Chapitre 18e. En quittant le salon, Mrs. Barnes se retira dans son appartement pour causer un instant avec sa nièce Nancy. « J'ai fait bien des choses et j'en ai aussi beaucoup entendu depuis ce matin, Nancy. Mais, quoique j'aie obtenu certaines promesses bien heureuses pour vous, je ne suis guère satisfaite de mademoiselle et je doute que je reste longtemps ici. Il est décidé que, pendant l'année de minorité de notre maîtresse, je vous mettrai au courant du service. » Et qu'à mon départ, vous me succéderez dans l'emploi de femme de charge. Oh, quel bonheur! Mais alors, je ne puis comprendre d'où vient votre mécontentement. Cela ne m'étonne pas. Vous pourrez rester ici, vous, Nancy, car vous n'avez pas, comme moi, servi des gentlemen. Mais pour moi, quelle différence de servir un noble vieillard, vrai gentleman, comme Mr. Thorpe, ou d'obéir à cette sale petite orgueilleuse aussi hautaine que laide et méchante. Oh, Nancy, que Dieu me pardonne! Mais je sens que je la haïrai toujours. Je cherche en vain ce qui a pu la faire préférer par notre bon et digne maître à ces deux êtres charmants, les Heathcote. Jeunes, doux et tendres tous les deux, c'est incompréhensible. Cela me paraît très naturel, au contraire. Miss Sophie ressemble tant à Mr. Cornelius. En aucune façon et pas plus qu'à vous. Mais c'est la manière dont elle avait arrangé ses cheveux qui faisait cette ressemblance. Il fallait qu'elle eût vu le portrait de son cousin. Probablement, répondit Nancy, qui ne jugea pas nécessaire de dire que c'était elle qui avait conduit la jeune fille chez son oncle, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ressemblait au portrait. Au portrait peut-être, à lui jamais, car malgré ses défauts, il était bon et généreux, et quand vous connaîtrez cette vieille jeune fille, vous verrez si elle a du rapport avec l'affectueux et dévoué Mr. Cornelius. Ce n'est pas lui qui aurait demandé des friandises pour lui seul, et qui aurait relégué ses parents et bienfaiteurs dans des greniers, sous prétexte que la vue de la richesse les rendrait envieux et malheureux. Moi, Nancy, indépendante comme je suis, je lui aurais jeté les clés à la figure en l'écoutant tout à l'heure, et j'aurais renoncé à servir cette fille avare, rancunière, méchante et cruelle. S'il ne m'était venu tout à coup une idée lumineuse par rapport au Heathcote, j'ai compris que je pourrais leur être utile, qu'ils seraient plus heureux ici tant que j'y resterais, et qu'après tout, si cette Péronnelle découvrait un jour ce que j'aurais fait contre ses ordres, il serait temps de l'envoyer promener et de m'en aller vivre de mes rentes. Au moins, ma tante, attendez pour cela que je sois en état de vous succéder. Car si j'étais femme de charge de Thorcombe à 26 ans, que de gens cela ferait enrager. C'est bien, Nancy, je resterai. J'en prendrai mon parti. Quant à présent, je vais visiter les greniers, chercher des pots et des cuvettes pour les enfants, du pain d'épices, des provisions. Cela ira bien, si elle ne me brusque pas trop. Quels que fussent les défauts de Miss Martin Thorpe, elle n'était pas paresseuse. Aussi envoya-t-elle chercher immédiatement les ouvriers pour faire réparer son appartement. Elle surveilla les travaux avec tant de zèle qu'au bout de 6 semaines, les deux chambres de Mr. Thorpe, transformées l'une en salon, l'autre en chambre à coucher, se trouvèrent prêtes à être habitées même par une élégante. Cependant, quelque promptes qu'eussent été les réparations, le major n'en trouva pas moins le temps fort long. Aussi écrivit-il à sa pupille pour savoir si elle avait changé d'avis à leur égard. Le courrier suivant lui apporta cette réponse. Cher monsieur, je serais désolé que vous fussiez fâché par mon silence. Je n'ai pas perdu de temps depuis mon arrivée pour faire réparer ma maison et la mettre en état de recevoir ceux qui doivent l'habiter. Les distances sont si grandes pour recevoir du monde que j'ai dû faire préparer des chambres pour les visites. Cependant, quelques semaines encore suffiront pour finir les travaux, et je ne manquerai pas de vous faire savoir le moment où je pourrai vous recevoir. Je vous préviens qu'il me serait particulièrement agréable que vous missiez tout de suite vos 3 filles en pension. Leur séjour chez moi me déplairait beaucoup, et puisque vous êtes décidé à vous en séparer, je ne doute pas que vous ne consentiez à le faire avant de vous fixer à Combe. Je vous prie de me rappeler à votre famille et de me croire votre très sincère Sophie Martin Thorpe. Toute la famille, excepté le voyageur et les 2 enfants en nourrice, entendit la lecture de cette lettre. Après un assez long silence, le major dit à sa femme « Je crains, Popsy, qu'elle ne se mette en frais pour nous recevoir, car il me semble que la maison était bien assez grande pour nous tous, et 12 autres avec nous. Je ne savais nullement qu'il y eût des réparations à faire. » « Si elle compte avoir tant de sociétés, » répondit Mrs. Heathcote, « quelle folie est-ce là? Où prendra-t-elle les visiteurs? Nous n'avons vu personne à Combe pendant la 15aine que nous y avons passé. Mais je trouve très méchant à elle d'empêcher les enfants de voir la propriété avant de s'enterrer en pension. Ils s'en faisaient une fête, les pauvres petits. « Cela ne fait rien, maman, » répondit l'aînée des petites filles en voyant sa mère prête à pleurer. « Nous verrons Thorpe comme aux vacances, et nous partirons pour l'école le jour de votre départ pour Herefordshire. Merci, chère petite, je sais combien tu es gentille. Mais, Florence, ne penses-tu pas qu'il est étrange de voir Sophie aussi extravagante ? Je doute qu'elle devienne jamais dépensière, répondit Florence en souriant, et sa lettre me paraît d'un style bien élégant pour elle. Mais elle veut peut-être devenir une grande dame. Elle a assez de fortune pour cela, reprit le major. La seule chose qui me contrarie, c'est qu'elle fasse des dépenses pour nous, car nous étions fort bien logés à Noël, et nous n'avons besoin de rien de plus. Quant aux enfants, il vaut même mieux qu'elles aillent directement en pension. Cela économisera les frais de voyage pour aller revenir de Combe. Ceci prouve une fois de plus que les Heathcote étaient bien faciles à vivre, ce dont Miss Martin Thorpe s'était assurée avant d'agir aussi familièrement avec eux. Pendant ce temps, l'héritière cherchait à se faire connaître dans les environs et répétait avec soin à Mr. Westley, le notaire, à Mr. Bental, l'apothicaire, appelé chez elle pour soigner une indigestion, au ministre et à sa bonne femme, que son tuteur et sa tante étaient très pauvres et que c'était pour cette raison qu'elle avait invité toute leur famille à venir chez elle. Que loin de vouloir rien recevoir pour cela, elle insisterait au contraire pour qu'ils restassent longtemps dans sa maison et que son bonheur serait de les soigner et de les aimer comme sa propre famille. Si bien que dans le voisinage, chacun était persuadé qu'elle était douce, bonne et compatissante, et que ses parents allaient vivre chez elle entourés de respect et d'affection. Ce moyen réussit à merveille, car avant un mois, les familles qui habitaient les environs vinrent faire visite à Miss Martin Thorpe, qui, quoique peu agréable à première vue, leur fit cependant une bonne impression, prévenues qu'elles étaient en sa faveur par les réclames qui leur étaient si adroitement parvenues. Le notaire Mr. Westley la trouvait fort capable. Mr. Bental, l'apothicaire, la croyait généreuse. Le ministre Ogilby la déclarait le soutien des pauvres. Les trois femmes de ces messieurs vantaient sa bonne tenue, son éducation, ses regrets profonds de la mort de son oncle, son grand deuil de si bon goût, et leur fils souhaitait qu'elle donnât des fêtes dont elle semblait née pour faire les honneurs. Quant au fils, il trouvait qu'il serait un fort bon parti et qu'avec un revenu de 4 000 livres sterling, on n'a pas besoin d'être joli. Sophie était charmante avec ses voisins, et ceux qu'elle préférait étaient une vieille dame, sa fille et son fils, vivant ensemble dans une vieille maison avec le revenu d'une petite propriété, qui avait l'avantage d'être depuis des temps infinis dans la famille, mais aussi le désavantage de pouvoir à peine les soutenir. La mère, âgée de 80 ans, intéressait peu Sophie, mais il n'en était pas de même du fils, âgé de 40 ans, et de la fille qui comptait 26 ans. Cette famille étant la première qui eut flatté l'héritière, en la comblant de compliments respectueux et de sourires de tout genre. Et je dois dire que Sophie était très sensible à ces marques de déférence. Le matin du jour où, pour la première fois, Miss Martin Thorpe reçut Miss Brandenberry et son frère dans son salon du premier, ils ne cessèrent d'admirer avec exaltation jusqu'au moindre détail de l'ameublement qu'elle leur avait dit avoir commandé elle-même. Slames Richard disait à Miss Brandenberry, « Si vous avez amené ici sans que vous connussiez la maison, en vous trouvant dans cette charmante pièce, n'auriez-vous pas deviné qu'elle avait été commandée par Miss Martin Thorpe ?»« Oh, je l'aurais vue tout de suite !» répondit Miss Brandenberry avec son regard de feu. Ce papier couleur sourit avec ses bouquets roses délicatement posés dessus et la perce élégante de ses meubles. Je ne puis dire à quel point cette gracieuse élégance est en rapport avec notre digne amie. Mon cœur la reconnaît dans ces petits riens qui dénotent la femme distinguée, reprit Mr. Brandenberry. Il s'approcha vivement de l'héritière, s'assit tout près d'elle et lui dit en posant la main sur son cœur, comme pour en réprimer les battements, « Vous tenez-vous souvent dans ce paradis de votre création ?»« Je vis toujours ici, » répondit Sophie en baissant les yeux sous les regards passionnés de son admirateur. « Ah, Marguerite, entendez-vous, elle ne quitte pas cette délicieuse retraite, » reprit Mr. Richard Brandenberry. « Prenez garde, mon frère, vous devenez bien étrange, je ne vous reconnais plus. » « Imaginez-vous, Miss Martin Thorpe, qu'il devient poète depuis quelques semaines ?»« Si vous le permettez, je vous apporterai mes premiers vers. » Êtes-vous un critique indulgent ou bien un juge cruel et sévère ? Cela dépend du genre de la poésie, répondit Sophie, un peu émue de l'expression de Mr. Brandenberry. Vos termes paraissent superbes, Miss Martin Thorpe, reprit la sœur. Et quoique mon père et votre oncle fussent fort liés, nous ne les avons jamais visités, excepté lorsque nous n'étions encore que des enfants. Je vais vous demander une véritable faveur, Miss Martin Thorpe. J'espère que vous nous l'accorderez à mon frère et à moi. Tous deux nous adorons les bois, et ce que nous implorons de vous serait la permission de nous promener quelquefois dans les vôtres. Il y a une petite grille en face de Broad Grange, et si vous vouliez nous en donner la clé, nous nous déclarerions les plus heureux du voisinage. Je ne sais de quelle grille vous voulez parler, reprit Sophie avec hésitation. Est-ce possible? S'écria Mr. Brandenberry. Quoi? Miss Martin Thorpe, vous n'avez jamais erré solitairement à travers vos magnifiques bois jusqu'à la grille qui ouvre sur Mill Lane? Non, vraiment, je ne me suis pas encore promené, car j'ai été très occupé depuis mon arrivée ici. Oh, quel ravissement j'éprouve à l'idée seule de vous conduire jusqu'à cette grille. Oh, Miss Martin Thorpe, accordez-moi la faveur de guider vos pas irrésolus jusqu'à la cataracte. Quoique Sophie eût de beaucoup préféré visiter seule son parc, elle ne voulut point refuser cette promesse à ses voisins et répondit « Quand le printemps aura remplacé l'hiver, je consens à faire cette promenade à votre bras, mais pour aujourd'hui je refuse formellement, je ne puis supporter la boue. » « Grand Dieu, qui voudrait conduire ses pieds de fée dans la boue ?» reprit avec emphase Mr. Richard. « Ah, Margaret, quel joli tableau on pourrait faire en traçant cette frêle jeune fille marchant solitairement sous les beaux ombrages de Thorpecombe. » « J'y pensais, justement. » Mr. Brandenberry parla alors des balles de campagne, afin d'effacer un peu l'impression désavantageuse que semblait avoir produite sur l'héritière la demande de la clé du parc. En effet, en entendant raconter des merveilles des balles de Hereford, Sophie s'anima et répondit que dès l'arrivée de ses tuteurs, elle irait certainement aussi. Le frère et la sœur décriaient les différentes familles qui donnaient de ces soirées. Les remarques désobligeantes se succédèrent avec promptitude et à la fin d'une visite démesurément longue, Sophie connaissait tous les voisins les plus éloignés comme les plus rapprochés et savait que si toutes ces familles étaient très riches, les Brandenberry étaient seuls d'une noblesse incontestable. Sophie, quoique élevée loin du monde, sut cependant démêler le vrai du faux dans tout ce que ses deux voisins lui racontèrent. Elle comprit aussi que tous ces compliments ne s'adressaient pas absolument à elle, mais elle admettait parfaitement que Richard Brandenberry fût amoureux d'elle, que sa grande fortune faisait beaucoup valoir. Ce n'était pas Sophie Martin, jeune fille, qui le charmait, mais Miss Sophie Martin Thorpe, l'héritière. Elle ne lui en voulait nullement du désir de s'approprier ainsi Thorpecombe, et savait fort bien que rien ne l'obligeait d'épouser celui-là plutôt qu'un autre. Il ne lui appartenait pas d'ailleurs de veiller au bonheur de son prochain, le sien seul, devant l'occuper, et elle ne se sentait pas plus disposée à quereller ses amants que son pain ou son beurre, pensait-elle en souriant à cette saillie. Puis, prenant place à table, elle commença son excellent dîner par une soupe aux carottes qu'elle affectionnait particulièrement.